français dans le texte. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de En français dans le texte, une émission qui part à la rencontre des grandes chansons du répertoire de la chanson française. On va un petit peu explorer les textes qui la composent. Également, on va parler des grands interprètes qui l'ont faite. Tout ça avec deux générations, la génération des années 60, donc l'âge d'or, on va dire, la grande période de la chanson française. Et puis également, ce que l'on nomme un peu abusivement parfois la nouvelle génération française, cette génération spontanée née au début des années 2000. L'artiste avec lequel on va débuter n'est pas issu de cette génération, plutôt de la précédente, même si elle est toujours très active, c'est Jane Birkin. Jane Birkin, à l'instar de beaucoup d'autres, on peut citer France Gall ou encore Catherine Ringer, ces femmes qui ont été trop, dont la carrière artistique est trop intimement liée à celle d'un seul homme, pour Jane c'est Serge Gainsbourg, elles se sont retrouvées un peu désemparées au moment du décès de celui-là, la star de nous-mêmes d'ailleurs. Donc quand Serge est décédé en 92, Jane a tout d'abord souhaité lui rendre hommage à travers un album et une tournée, donc où elle interprétait que des classiques de Serge. Ça a donné lieu d'ailleurs à une prestation au Palais Festival de Nyon en 97 qui était assez mémorable. Et puis un double album live dont l'extrait qu'on va écouter juste après est tiré. Et puis ensuite, elle a demandé à d'autres, donc de jeunes compositeurs, d'écrire pour elle, notamment Mickey 3D au début des années 2000, donc Mickey 3D qui s'en est plutôt bien sorti. Et puis depuis quelques années maintenant, elle compose et elle vient de sortir un album avec ses propres titres. Elle s'en sort aussi pas mal à ce niveau-là, donc on voit, malgré différentes carrières, différentes époques, malgré également différents styles, elle arrive quand même à s'en sortir plutôt bien. On écoute un titre écrit par Serge Gainsbourg pour elle, à l'occasion de son dernier disque, malheureusement le dernier disque qu'il aura composé pour elle, s'appelle Amour défunte, et c'est extrait de l'album Live de Jane Birkin, réalisé à l'occasion de la tournée Hommage à Serge Gainsbourg dans le milieu des années 90. On écoute tout de suite Amour défunte. Étrange crainte en écoutant les douces plaintes du vent. Amour défunte, son présent et l'enserrante hors du temps. Et pourtant maintes fois l'entente à se maintenir longtemps. Le temps ne peut-il s'arrêter au feu de nos passions? Il les consume sans pitié. Voilà, c'était Jane Birkin avec Amour des Feintes, un titre donc écrit par Gainsbourg. Jane qui sera en concert le 19 mars prochain à 20h30 au bâtiment des Forces Motrices de Genève dans le cadre de sa tournée Enfants d'hiver Tour 2009. On poursuit à présent avec les débuts dans la chanson d'un artiste qui compte parmi les plus importants de la scène actuelle de la chanson française. Je vais bien sûr parler de Julien Clerc. À la fin des années 60, Julien, à l'instar d'un Christophe Maé, mais la comparaison s'arrête là. Donc Julien a été révélé au grand public par le biais de son interprétation dans une comédie musicale, donc la version française de la comédie musicale Hair. De cette époque, il garde d'ailleurs un titre, Laissez entrer le soleil, la traduction française de Let the Sunshine In, parmi son répertoire. Suit en 69 son premier album, un album écrit par Étienne Rodagil et composé entièrement par Julien. Dans cet album ambitieux d'un point de vue musical et des textes, on trouve quelques petites merveilles comme Yann et les Dauphins, Ivanovitch, La Tarentelle, Givaro Song ou encore La Cavalerie qu'on va écouter tout de suite. Suite à cela, une carrière naissante et une popularité qui ne fera que grandir. Les années 70 vont le réorienter plus dans la variété française et les chansons d'amour que les chansons françaises classiques. Dans les années 80, il va faire quelques incursions dans le rock ou vers la musique antillaise avec Mélissa notamment, puis vers le jazz dans les années fin des années 90, début des années 2000. Autant de styles qui sont unifiés pourtant par une voix unique, bêlante pour certains, mais qui apporte en tout cas une identité immédiatement reconnaissable à n'importe qui, même ceux qui n'apprécient pas forcément Julien Clerc. Ce qui permet de tordre un petit peu le cou à ceux qui, au départ, comme pour Charles Aznavour, ceux qui, au départ, lui prédisaient pas une très grande carrière. Tout de suite, Julien Clerc, extrait de son premier album, La Cavalerie. Je vois les motos sauvages qui traversent nos villages, venues de Californie, de Flandre ou bien de Paris. Quand je vois filer les bolides, les cuirs fauves et les cuivres qui traversent le pays. Dans le métal et le bruit, moi je pense à la la tourmente, quand retombe la poussière pesante et que sombre le pays dans le sommeil et l'ennui, comme dans les films héroïques aux moments les plus critiques, quand tout coule dans ma vie, quand tout semble compromis, traverserai la nuit pour rejoindre la cavalerie. J'aurai enfin tous les courages, ce sera mon héritage et j'abolirai l'ennui dans une nouvelle chevalerie. Sorgi FM, la radio la plus proche de chez vous. Et si c'était une nuit comme on n'en connut pas, comme on n'en connut pas depuis 100 000 nuits. Une nuit de fer, une nuit de sang, une... Un chien hurle. Non, regardez bien, Jean de l'enfer, regardez-le. Sous son manteau de bronze vert, le lion. Le lion tremble. Les hommes avaient perdu le goût de vivre et se foutaient de tout. Leur mère, leur frangin, leur nana, pour eux c'était du cinéma. Le ciel redevenait sauvage, le béton bouffait le paysage d'alors. Les loups, oh, oh, les loups étaient loin de Paris, en Croatie, en Germanie. Les loups étaient loin de Paris, j'aimais ton rire, charmant Elvire. Les loups étaient loin de Paris. Mais ça fait ses 50 lieues en une nuit, accueille-le. Dès que ça flaire une ripaille de mort sur un champ de bataille. Dès que la peur hante les rues, les loups s'en viennent la nuit venue. Alors. Les loups ont regardé vers Paris, de Croatie, de Germanie. Les loups ont regardé vers Paris, cessé de rire, charmant et rire. Les loups regardent vers Paris. Et voilà qu'il fit un rude hiver, sans congestion, en fin d'hiver. Volets clos, on claquait les dents, même dans les beaux arrondissements. Et personne n'osait plus le soir affronter la neige des boulevards. Alors, de loups sont entrés dans Paris, l'un par ici, l'autre par ici. De loups sont entrés dans Paris, cessez de rire, charmant Elvire. De loups sont entrés dans Paris. Le premier n'avait plus qu'un œil, c'était un vieux mâle de Criveuil. Il installa ses 10 femelles dans le maigre square de Grenelle et nourrissait de son petit avec les enfants de Passy. Alors, sans loup sont entrés dans Paris, soit par ici, soit par ici. Cessez de rire, charmant Elvire, sans loup sont entrés dans Paris. Le deuxième n'avait que 3 pattes, c'était un loup gris, des carapates qu'on appelait carême prenant. Il fit faire grâce ses enfants et leur offrit 6 ministères et tous les gardiens des fourrières. Alors, soit par livré, les loups ont envahi Paris. Cessez de rire, charmant Elvire. Les loups ont envahi Paris. Attiré par l'odeur du sang, il en vint des mille et des cents. Faire carrosse, liesse et bombance dans ce foutu pays de France. Jusqu'à ce que les hommes aient retrouvé l'amour et la fraternité. Et là, les loups sont sortis de Paris, soit par ici, soit par Ivry. Les loups sont sortis de Paris.

tous toujours dans la même ronde. Je vais aller m'asseoir sur le rebord du monde, voir ce que les hommes en ont fait. Pour chaque fille, une colline de fleurs. Et puis j'ai planté des arbres à pommes où tout le monde a mordu de bon cœur. Et partout, partout des rivières profondes. Je vais aller m'asseoir sur le rebord du monde, voir ce que les hommes en ont fait. S'arrête, il paraît que les fleuves ont grossi. Les enfants s'approchent, s'inquiètent, demandent pourquoi tous ces bruits. Sans doute Dieu et sa barbe blonde. Dieu qui s'est assis sur le rebord du monde et qui pleure de le voir tel qu'il est. Quel monde, sous quel règne et à quel juge sommes-nous promis? À quel âge, à quelle page et dans quelle case sommes-nous inscrits? Les mêmes questions qu'on se pose en part, vers où et vers qui? Et comme indice, pas grand-chose, des roses et des orties. Les mains peintes, les mains jointes, on se courbe et on remercie. On implore, on s'inquiète et c'est trop tard quand on a compris. Malgré tout ce que l'on ose et qui parfois réussit, on ne laissera pas grand-chose que des roses et des orties. On est lourd, tremblant comme des flammes de bougie. On hésite à chaque carrefour, dans les discours que l'on a appris. Mais puisqu'on est lourd, lourd d'amour et de poésie, voilà la sortie de secours. On se rapproche, on se reparle, on se pardonne et on reconstruit. Et le seul monde qui vaille la peine, il y aura tout ce qui nous réunit. Et de tout ce qui nous oppose, on en sortira grandi. Et si on laisse peu de choses, il y aura plus de roses que d'orties. On est lourd, tremblant flamme des bougies. On hésite à chaque carrefour, au discours que l'on a appris. Mais puisqu'on est lourd, lourd d'amour et de poésie, voilà la sortie de secours. L'imaginaire animalier des chanteurs semble vraiment infini. On l'a vu tout à l'heure avec les loups de Serge Reggiani ou encore les dauphins de Julien Clerc. Les animaux prennent parfois une valeur métaphorique ou une vocation, ou ils ont vocation de dénonciation. C'est le cas du gorille de Brassens. Brassens justement qui, avec le petit cheval, sur un texte de Paul Fort, met la poésie au cœur de la chanson française. Quant à Thomas Fersen, avec son univers vraiment très personnel et intimiste, il imagine, lui, l'histoire d'une chauve-souris amoureuse d'un parapluie. C'est poétique aussi et franchement réjouissant. Le petit cheval dans le mauvais temps, qu'il avait donc du courage, c'était un petit cheval blanc. Tous derrière, c'était un petit cheval blanc, tous derrière lui, devant. Il n'y avait jamais de beau temps dans ce pauvre paysage. Il n'y avait jamais de printemps, ni derrière, ni derrière. Il n'y avait jamais de beau temps, ni derrière, ni devant. Mais toujours, il était content, menant les gars du village, à travers la pluie noire des champs, tous derrière, à travers la pluie noire des champs, tous derrière lui, devant. Sa voiture allait poursuivant sa belle petite queue sauvage. C'est alors qu'il était content, tous derrière, c'est alors qu'il était content, tous derrière lui, devant. Mais un jour, dans le mauvais temps, un jour qu'il était si sage, il est mort par un éclair blanc, tous derrière, il est mort par un éclair blanc, tous derrière lui, devant. Il est mort sans voir le beau temps, qu'il avait donc du courage. Il est mort sans voir le printemps, ni derrière, il est mort sans voir le beau temps, ni derrière, ni devant. Une chauve-souris aimait un parapluie, un grand parapluie noir découpé dans la nuit, par goût du désespoir, car tout glissait sur lui. Une chauve-souris aimait un parapluie, aimait un parapluie. Elle marchait au radar, le sommeil l'avait fui, elle voulait se mettre à boire, se jeter au fond d'un puits. Une chauve-souris aimait un parapluie, un grand parapluie noir découpé dans la nuit, découpé dans la nuit. Ça sans jamais s'émouvoir. Pour cette chauve-souris, le grand parapluie noir sortait de son étui. Il prenait sous son aile soin d'une belle de nuit qui boulevard Saint-Marcel le nourrissait de pluie. Puis le grand accessoire se mit à voyager dans son bel habit noir, son habit noir de jet. Après les palabres pour faire un peu d'osier, un avaleur de sabre le mit dans son gosier, le mit dans son gosier. Un acrobate servit de balancier, un vendeur de cravates le prit comme associé. Puis il se déplia sur une permanente, puis il se déplia car il pleuvait sur Nantes, car il pleuvait sur Nantes. Une chauve-souris, demoiselle de la nuit, une chauve-souris aimait un parapluie. Elle vint chercher l'oubli au fond d'un vieux manoir où elle mourait d'ennui pendant que le parapluie menait au Père Lachaise une vie de bâton de chaise. Un jour de mauvais temps, un jour de mauvais temps, un brusque coup de vent lui mit les pieds devant. On le laissa pour mort dans quelques caniveaux. On le laissa pour mort avec le mec dans l'eau, avec le mec dans l'eau. En voyant son squelette qui faisait sa toilette parmi les détritus et les denrées foutues, c'est la chance qui me sourit, et voilà la chauve-souris. Je le croyais perdu, le manche est revenu, le manche est revenu. Riant comme une baleine, pleurant comme une madeleine, une chauve-souris aimait un parapluie. Ils allèrent se dire oui dans le grenier de la mairie. Une chauve-souris aimait un parapluie. Une chauve-souris aimait un parapluie. Une chauve-souris aimait un parapluie. Thomas Fersen à l'instant. Que l'on retrouvera Thomas Fersen dimanche 8 mars en concert à Genève dans le cadre du festival Voix de Fête. On poursuit pour l'heure notre voyage à travers la France, voyage musical à travers les villes de France. Aujourd'hui, un seul titre, parce qu'il est en lui seul un véritable périple de Vierzon à Honfleur, de Hambourg à Anvers et à Paris, Place Pigalle, Gare Saint-Lazare, sans oublier bien évidemment Vesoul et son fameux Chauffe Marcel signé Jacques Brel. T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère, comme toujours. T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon. T'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as plus aimé Honfleur, on a quitté Honfleur. T'as plus aimé Hambourg, on a quitté Hambourg. T'as voulu voir Anvers, on a vu que c'est Faubourg. T'as plus aimé ta mère, on a quitté ta sœur, comme toujours. Mais je te le dis, je n'irai pas plus loin. Mais je te préviens, j'irai pas à Paris. D'ailleurs j'ai horreur de tous les flonflons, de la valse musette et de l'accordéon. T'as voulu voir Paris, on a vu Paris. T'as voulu voir Dutron et on a vu Dutron. J'ai voulu voir ta sœur, j'ai vu le Mont Valérien. T'as voulu voir Hortense, elle était dans le Cantal. Je voulais voir Byzance et on a vu Pigalle à la gare Saint-Lazare. J'ai vu les fleurs du mal par hasard. T'as voulu aimer Paris, on a quitté Paris. T'as voulu aimer Dutron, on a quitté Dutron. Maintenant je confonds ta sœur et le Mont Valérien. De ce que je sais d'Hortense, j'irai plus dans le Cantal. Et tant pis pour Byzance, puisque j'ai vu Pigalle et la gare Saint-Lazare. C'est cher et ça fait mal au hasard. Mais je te le redis, chauffe Marcel, chauffe. Je n'irai pas plus loin, mais je te préviens, caille, caille, caille, le voyage est fini. D'ailleurs, j'ai horreur de tous les flonflons, de la valse musette et de l'accordéon. T'as voulu voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon. Chauffe, chauffe, chauffe. T'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as plus aimé Honfleur, on a quitté Honfleur. T'as plus aimé Hambourg, on a quitté Hambourg. T'as voulu voir Anvers, on a vu que c'est faux. T'as plus aimé ta mère, on a quitté sa sœur. Comme toujours. Chauffez les gars. Et je te le redis, hey, je n'irai pas plus loin. Mais je te préviens, j'irai pas à Paris. D'ailleurs j'ai horreur de tous les flanflans, de la valse musette et de l'accordéon. T'as voulu voir Paris, on a vu Paris. T'as voulu voir du ton et on a vu du ton. J'ai voulu voir ta sœur, j'ai vu le Mont Valérien. T'as voulu voir Hortense, elle était dans le Cantal. Je voulais voir Byzance et on a vu Picard. Pour définir le style des artistes, on parle souvent de leurs textes, beaucoup de leurs textes bien sûr, de leurs inspirations, mais aussi de la musique qui les accompagne. On pensait Et maintenant de Beko, qui ne serait pas exactement le même s'il n'avait pas pris un boléro pour faire le rythme de cette chanson. C'est le cas également d'une chanson de Zazie, une magnifique chanson qui s'appelle Le Chanvois Valsé, donc très délicate, qui joue sur les mots comme souvent chez Zazie, mais qui ne pouvait pas s'accompagner d'autre chose que par une valse. Aznavour, lui, mêle les styles. Il a d'ailleurs récemment fait un album orchestré en musique cubaine. C'est pas une chanson de cet album qu'on va écouter tout de suite, mais un album un peu plus vieux, quoique il date quand même du début des années 2000, où il réorchestrait ses classiques dans des versions de jazz. Forcément, cela devient formidable. J'envoie des kisses, donne tes bijoux dans le cou. C'est beau, mais quand même, ce ne sont que des cailloux. Des pierres qui vous roulent, roulent et qui vous coulent sur les joues. J'aime mieux que tu m'aimes sans dépenser des sous. Moi, je m'en moque, j'envoie valser les trucs en toc. Les cages dorées, toi quand tu me serres très fort, c'est comme un trésor, et ça vaut de l'or. J'envoie des qui se lancent, des regards et des fleurs, puis qui se laissent. Par ou ailleurs, entre les roses et les choux. J'en connais des tas qui feraient mieux de s'aimer un peu comme nous qui nous aimons beaucoup. Et d'envoyer ailleurs valser les bagues et les cœurs en collier. Car quand on s'aime, c'est comme un trésor, et ça vaut de l'or. You are the one for me, formidable. You are my love, very, véritable. Je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare, my Daisy, désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, formidable. You are the one for me, formidable. But how can you see me, see me noble? Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire, chérie, pour te plaire, dans la langue de Molière. Toi, tes yeux, ton nez, ta bouche adorable. Tu n'as pas compris, tant pis, ne t'en fais pas et viens-t'en dans mes bras. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis le reste, on s'en fout. You are the one for me, for me, formidable. Je me demande même pourquoi je t'aime, toi qui te moques de moi et de tout avec ton air canaille, canaille. Pour finir, on va écouter un titre long. C'est une nouvelle rubrique que l'on inaugure ce soir. Je pense que le but d'une radio associative, c'est aussi de passer des titres de plus de 5 minutes, chose que les radios commerciales n'ont malheureusement pas le pouvoir, pour des raisons purement commerciaux, évidemment, et économiques. Donc, on va commencer avec Jean-Jacques Goldman pour inaugurer cette rubrique. Une version longue de son titre américain, Long is the Road, qui était un des grands succès qui a lancé Goldman dans le début des années 80. Il y a eu d'autres, Envole-moi, Il suffirait d'un signe notamment, avant vraiment l'explosion à la fin des années 80 et les tubes qu'on lui connaît dans les années 90, notamment avec Fadaix et Jones. Les chansons écrites pour d'autres, pour Raled ou pour Céline Dion, jusqu'à aujourd'hui, il est devenu une sorte de vieux sage, un peu moins actif musicalement. En tout cas, là, c'était les débuts qu'on va se remémorer avec plaisir dans une version longue qui fait 7 minutes 17 de Américain. Tout de suite, Jean-Jacques Goldman. Tom, tom, tadou, tom, tom, tom, tom, tom, tadou, tadou, tadou, tadou, tadou, tadou, tadou, tadou, tadou, tadou. Tum tum tadu dum tadu dum dum. Tum tum tadu dum tum tum tadu dum. Tum tum tadu dum tadu dum dum. Tum tum tadu dum tum tum tadu dum. Tum tum tadu dum tadu dum dum. Tum tum tadu dum tum tum tadu dum. Tum tum tadu dum tadu dum. Tum tum tadu dum tum tum tadu dum tadu dum tum tum tadu dum tadu dum. terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et je vous donne rendez-vous jeudi prochain de 17h30 à 18h30 sur les ondes de Sorgé FM. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine à l'écoute des 91 et des 102.5 FM MHz de Sorgé FM. Et à la semaine prochaine. Au revoir.